Le cœur glacé, je vois rouge et mes nerfs sont en surchauffe. On n'aura pas le temps de se dire au revoir quand mon cœur sera sur off. Ici les man font les vaillants mais y'a pas de surhomme. Durex envoie la bouteille à cette heure-ci, c'est mon seul sérum. J'arrête dans les veines, j'tape des barres en vrai, j'suis bourré. J'ai croisé la réussite sur un sombre sentier. Elle m'a guidé, balayé pour voir si j'tombais. J'ai rampé, j'me suis relevé, caractère bien trempé. Pas né de la dernière pluie, j'ai levé la tête. Ma sagesse s'éloignait dans la C203. Ma solitude pourra témoigner. Ambitieux mais la myopie m'empêche de me projeter. Pané dans la soie, les sorties m'ont crocheté. Avant de me pousser vers la sortie, faudrait que je trouve l'entrée. Besoin d'un public friand de la plume. Faudrait des fessiers cambrés pour un max de vues sur YouTube. Crates sont mes versets, dark sont les pensées. Je vois rouge, on a la batte. Si tu veux te lancer, lève la patte pour pisser. V'là que j'attaque pour blesser. La vie ne fait pas de cadeau jusqu'à bout à mocher. Crates sont mes versets, dark sont les pensées. Je vois rouge, on a la batte. Si tu veux te lancer, lève la patte pour pisser. V'là que j'attaque pour blesser. La vie ne fait pas de cadeau jusqu'à bout à mocher. Dans l'amour, on ne compte pas. Pourquoi tu pars quand l'argent parle? Certains paieront 50 pelles pour un instant avec une fille de joie pour se sentir plus léger. J'ai recraché toute sa peine. Ma bouche crache des glaires en guise de coups de pelle. J'fais du hors-piste, petit ne me suis pas. Dans la réalité, les rêves ne suffisent pas. Parlez pas de mes textes, j'suis trop sincère. J'me regarde dans la bouteille à chaque fois que j'alcoolise mes verres. J'avais la gueule de bois, la putain de sa race. Ouais putain, j'm'arrache, bébé ne m'en veut pas. Si à 8 du mat, la bouteille se casse. Comment te promettre une vie de star si j'ai pas de palace, pas de bagage. Faudrait que j'palpe avant que la faucheuse me ramasse. C'est dramatique, j'crame ma zig. À croire que la fumée nous sert d'antalgique. Les yeux rouges, ce monde est loin d'être magique. Ça s'agite, un bisou à ma mère dans ce monde sadique. Crates sont mes versets, dark sont les pensées. Je vois rouge, on a la batte. Si tu veux te lancer, lève la patte pour pisser. V'là que j'attaque pour blesser. La vie ne fait pas de cadeau jusqu'à bout à mocher. Crates sont mes versets, dark sont les pensées. Je vois rouge, on a la batte. Si tu veux te lancer, lève la patte pour pisser. V'là que j'attaque pour blesser. La vie ne fait pas de cadeau jusqu'à bout à mocher. Encore tellement de choses à dire et tellement de choses à faire. Tellement de vies à fuir pour la droiture, je sens trop vulgaire. Je me laisse emporter par ce goût amer. Mon encre flotte à la surface, mais ma mine se corse dans le fond. Comment faire les choses carrées quand dans ma tête ça devient le boxon? Comment tout mettre à plat, j'enquis les dossiers, les infractions dans le gosier et haute vie pour tuer l'émotion. Où je vis, où je me laisse vivre, y'a pas 36 solutions. À force de courir derrière la montre, je m'essouffle. J'attends mon heure, connard. Mon art n'est pas fait pour danser. À mon écoute, c'est paradoxal. Ta conscience prend une dansée. Évite d'ouvrir tes fesses, nous dans la merde, on a les deux pieds. Logique, ma sécheresse et soif de billets. Crates sont mes versets, dark sont les pensées. Je vois rouge, on a la batte. Si tu veux te lancer, lève la patte pour pisser. V'là que j'attaque pour blesser. La vie ne fait pas de cadeau jusqu'à bout à mocher. Crates sont mes versets, dark sont les pensées. Je vois rouge, on a la batte. Si tu veux te lancer, lève la patte pour pisser. V'là que j'attaque pour blesser. La vie ne fait pas de cadeau jusqu'à bout à mocher. Crates sont mes versets, dark sont les pensées. Je vois rouge, on a la batte. Si tu veux te lancer, lève la patte pour pisser. V'là que j'attaque pour blesser. La vie ne fait pas de cadeau jusqu'à bout à mocher. Crates sont mes versets, dark sont les pensées. Je vois rouge, on a la batte. Si tu veux te lancer, lève la patte pour pisser. V'là que j'attaque pour blesser. La vie ne fait pas de cadeau jusqu'à bout à mocher.